Au même moment, Mireille rentre chez elle. Elle trouve Marie-Laure à la maison. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? C'est pas l'école? Non, j'ai mal à la gorge. Tiens, tu as du courrier, une carte postale. Brickton, England, 25 mai. Ma chère Mireille, il fait un temps affreux. Il y a du brouillard tous les matins. Il pleut tous les après-midi. Même quand il ne pleut pas, le ciel est couvert. On ne peut pas jouer au tennis, mais le gazon est magnifique. Bruce aussi. Je t'embrasse, Guylaine. Au même moment, Mireille rentre chez elle. Au même moment, Mireille rentre chez elle. Chez elle. Mireille rentre chez elle. Elle trouve Marie-Laure à la maison. À la maison. Elle trouve Marie-Laure à la maison. Que fait Mireille au même moment? Elle rentre chez elle. Où est Marie-Laure? À la maison. Et qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas à l'école? Tu n'es pas à l'école? À l'école? Tu n'es pas à l'école? Non. J'ai mal à la gorge. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal à la gorge. À la gorge. Pourquoi Marie-Laure n'est-elle pas à l'école? Parce qu'elle a mal à la gorge. Tiens, tu as du courrier. Du courrier. Tiens, tu as du courrier. Tu as du courrier. Une carte postale. Une carte postale. Qu'est-ce qu'il y a pour Mireille? Du courrier, une carte postale. Ma chère Mireille, il fait un temps affreux. Il fait un temps affreux. Il y a du brouillard. Il y a du brouillard. Il y a du brouillard tous les matins. Il pleut tous les après-midi. Il pleut tous les après-midi. Le gazon est magnifique. Le gazon est magnifique. Je t'embrasse, Guylaine. Je t'embrasse. Quel temps fait-il en Angleterre? Il fait un temps affreux. Est-ce que le ciel est bleu le matin? Non, il y a du brouillard. Est-ce que le ciel est bleu l'après-midi? Non, il pleut. Qu'est-ce qui est beau en Angleterre? Le gazon. Que dit Guylaine pour terminer sa carte? Elle dit « Je t'embrasse ». C'est où, Brickton? Brighton, pas Brickton. Oui, mais c'est où? En Angleterre, bien sûr. Ah, et Bruce, qu'est-ce que c'est? C'est un nom. Un nom de quoi? De garçon. De garçon? De garçon. Écoute, sourde ou t'es bête? C'est anglais? Évidemment. Et qui c'est ce Bruce? C'est le petit ami de Guylaine. Il est anglais? Mais oui, pourquoi pas? Ben, moi, mes petits amis, ils ne sont pas anglais. Et pourquoi le gazon, il est magnifique? Parce qu'il pleut beaucoup. Il pleut tout le temps en Angleterre? Oui. Comme en Bretagne. Pauvre Guylaine. Je la prête. Et Bruce, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un nom. Un nom. C'est un nom. Et qui c'est, ce Bruce? Et qui c'est? Et qui c'est, ce Bruce? C'est le petit ami de Guylaine. C'est le petit ami de Guylaine. Le petit ami. C'est le petit ami de Guylaine. Qui est Bruce? C'est le petit ami de Guylaine. Et pourquoi le gazon est magnifique? Le gazon est magnifique. Le gazon est magnifique. Et pourquoi le gazon est magnifique? Parce qu'il pleut beaucoup. Pourquoi le gazon est-il magnifique en Angleterre? Parce qu'il pleut beaucoup. Pauvre Guylaine. Je vais l'appeler, tiens. Pauvre Guylaine. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler, tiens. Qu'est-ce que Mireille va faire pour parler à Guylaine? Elle va l'appeler.